De la psychologie de saint Augustin. Chapitre 3. De la spiritualité de l'âme. Une autre question qui dut préoccuper de bonne heure l'esprit curieux et investigateur du grand évêque d'Hippone, une question qu'en sa double qualité de philosophe et de chrétien il dut agiter avec une ardeur peu commune, c'est celle de la spiritualité de l'âme. On ne peut pas être un philosophe sérieux sans se demander si l'homme est simplement le corps qui frappe nos regards, ou si dans l'intérieur de cet édifice merveilleux, mais caduc, habite un hôte divin et immortel, car, suivant la manière dont on résout cette question, toute l'existence humaine change de face et apparaît sous un jour différent. On ne peut pas être un chrétien éclairé qui cherche à se rendre compte de ses croyances, sans discuter la croyance à l'âme spirituelle, car elle sert à la fois de fondement à nos devoirs et à nos espérances, et c'est sur elle que la vie présente et la vie future reposent. Cette question avait provoqué dans l'Antiquité de longs et mémorables débats et donné lieu aux solutions les plus opposées. Plein de dédain pour les fugitives réalités de cette terre, et emportés, pour parler leur langage, sur les ailes de la pensée et de l'amour vers les hautes régions du monde invisible, les platoniciens avaient profondément distingué l'âme du corps, et considéré la première de ces deux substances comme la partie maîtresse et dirigeante de l'homme. Les épicuriens, au contraire, exclusivement confiant dans le témoignage des sens et peu disposés à admettre autre chose que ce qui se voit et se touche, avaient nettement proclamé que tout ce qui n'est pas matière ne se conçoit pas et n'est qu'un pur néant. Ce problème, qu'avait agité librement et sans parti pris la raison indépendante des philosophes, s'imposa à l'Église naissante quand elle se mit à raisonner ses croyances, et partagea ses docteurs les plus illustres. Pendant que le plus grand nombre admettait la distinction de l'âme et du corps, quelques-uns d'entre eux ne voyaient dans l'âme qu'une substance matérielle et qui ne diffère du corps par aucun caractère spécifique. La solution spiritualiste prévalut et dut prévaloir comme la seule qui fut susceptible de s'adapter à la religion nouvelle, et de faire corps avec l'ensemble de ses dogmes. Mais saint Augustin est peut-être de tous les pères celui qui l'a développé avec le plus d'ampleur et qui l'a discuté de la manière la plus forte et la plus rationnelle. Tantôt il s'occupe de la nature de l'âme pour elle-même, tantôt il l'étudie pour en tirer des lumières propres à éclaircir les ténèbres qui dérobent à sa pensée la nature de Dieu. Mais, dans un cas comme dans l'autre, son esprit subtil, ingénieux, fécond en ressources, prodigue les vues neuves et inattendues, multiplie les raisonnements solides et les raisonnements frivoles, empruntant non seulement à la psychologie, mais encore à la géométrie, à la grammaire, quelques-uns des matériaux qu'il met en œuvre, et rendant toutes les sciences qu'il connaît tributaires de sa foi. Il s'est occupé de ce problème dans le traité de la grandeur de l'âme, qui est un de ses premiers écrits, et il l'a repris plus tard dans plusieurs autres de ses ouvrages, l'étudiant chaque fois avec une ardeur nouvelle et une pénétration croissante. Bien que le traité de la grandeur de l'âme soit consacré presque tout entier à établir la spiritualité du principe pensant, ce n'est pas, en effet, dans cet ouvrage d'Augustin qu'il faut aller chercher les preuves les plus invincibles de cette vérité. Composé au début de la vie philosophique et religieuse de l'auteur, il se ressent encore un peu des habitudes de l'école, et les subtilités et les longueurs dans lesquelles se perd quelquefois la discussion trahissent une pensée qui n'est pas suffisamment maîtresse d'elle-même. Si l'on veut voir ce sujet traité d'une manière précise et rigoureuse, Il faut lire d'autres écrits du saint docteur et particulièrement le 10e de ses livres sur la Trinité. Là il n'agite la question en quelque sorte qu'épisodiquement, car il n'établit la spiritualité de l'âme que comme un degré pour s'élever à la connaissance de Dieu. Mais quelle argumentation serrée, quelle maturité vigoureuse dans ces pages qu'admirait Malebranche, et que ni lui ni Descartes n'ont surpassé. Il fonde, comme le feront plus tard ses penseurs éminents, la doctrine de la spiritualité de l'âme sur une théorie de la connaissance, qui contient à la fois la preuve de cette vérité et l'explication de l'erreur contraire. Il donne ainsi à l'esprit une pleine et entière satisfaction, car l'esprit, je parle de celui des hommes qui réfléchissent, ne se repose en toute sécurité dans ses croyances que tant qu'il s'est rendu compte des croyances opposées et qu'il a compris comment des intelligences élevées ont pu s'y laisser séduire. Ce qui altère la pure notion que l'âme a d'elle-même et la porte quelquefois à se regarder comme un être corporel, c'est, selon saint Augustin, l'amour qu'elle a pour les corps et le commerce intime et journalier qu'elle entretient avec eux. Elle s'est tellement éprise des objets extérieurs et s'est unie à eux, par une longue habitude, d'une union si intime et si profonde, qu'elle n'a plus la force de s'en déprendre et de s'en séparer. Quand elle revient en elle-même pour se considérer et se connaître, elle ne peut, à la vérité, introduire les corps avec elle dans son fort intérieur, dans la région des choses incorporelles et invisibles, mais elle se complaît à rouler en elle-même les images qu'elle s'en est une fois formée. Ces images légères, qui se jouent capricieusement dans sa fantaisie, finissent par lui paraître les seules idées dignes de ce nom, et leurs objets les seuls objets réels. Telle est la source féconde de laquelle s'épanchent toutes les erreurs qu'elle commet sur sa propre nature. De la Trinité, livre 10e chapitre 5. Incapable d'écarter les représentations des choses qu'elle a perçues, de s'isoler, de se saisir toute seule par un acte pur de l'intelligence, elle en vient à croire qu'elle est un de ces corps qui seul, à ses yeux, possède quelque réalité. Aussi la première démarche d'une âme sincèrement désireuse de se connaître doit être de repousser cet essaim tourbillonnant d'images trompeuses, et de chercher à se saisir dans son essence véritable avec le secours de cette faculté supérieure qu'on appelle par excellence l'entendement, et qui juge de ces images et de tout le reste. En se cherchant de cette manière, elle verra que si les hommes se trompent sur sa nature, ce n'est pas qu'elle ne leur soit toujours présente, c'est qu'ils y ajoutent d'autres éléments, sans lesquels ils ne savent plus rien concevoir, et ne voient que du corporel là où il y a du corporel et de l'incorporel tout ensemble. Suivant saint Augustin, l'âme se connaît plus clairement et mieux qu'une foule d'autres choses touchant lesquelles elle n'élève pas le moindre doute, mieux que les chérubins et les séraphins, qu'elle n'a jamais vus et qui lui sont connus uniquement par la foi, mieux que les dispositions mentales de nos semblables, qui échappent également à nos sens et à notre raison, et que nous nous bornons à présumer d'après les signes extérieurs qui les manifestent, ce qui est encore croire et non pas savoir, mieux que notre propre figure, car notre figure est absente relativement à notre regard, elle n'est pas là où il peut se diriger, et nous ne la connaissons qu'indirectement et au moyen du miroir qui la réfléchit. L'âme, au contraire, étant toujours présente à l'âme, se connaît directement. Elle ne croit pas seulement à elle-même, elle se sait elle-même d'une manière certaine et inébranlable. De la Trinité, livre 10e chapitre 5, 6, 7. On reconnaît dans ses réflexions, par lesquelles Augustin prépare ses lecteurs à concevoir la pure idée de l'âme en détournant leur esprit des objets corporels et de leurs grossières images, le procédé que suivrait un jour avec tant d'éclat l'immortel auteur des Méditations. Quand Descartes déclare qu'il fermera les yeux, qu'il se bouchera les oreilles, qu'il tiendra tous ses sens inactifs pour ne considérer que sa pensée et le sujet pensant, quand il distingue si nettement l'image et l'idée et reproche si vivement à Hobbes d'oublier cette distinction essentielle, quand enfin il affirme que l'âme nous est mieux connue que tout le reste, il faut convenir que, s'il ne marche pas sur les traces d'Augustin, il se rencontre avec lui de la manière la plus surprenante. D'ailleurs, ils prennent l'un et l'autre le seul chemin qui conduise sûrement au spiritualisme, celui de l'observation interne. Tant qu'on se borne à considérer l'âme pour ainsi dire du dehors ou à spéculer sur sa nature, on est exposé à la confondre soit avec les êtres corporels, soit avec la substance divine. Ce n'est que du moment qu'on l'envisage directement, en elle-même et dans l'ensemble des phénomènes sui generis dont elle est le théâtre, qu'on arrive à se convaincre que ces phénomènes ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons et que leur substance a également un caractère à part qui la distingue de toutes les autres substances. Cette connaissance directe de l'âme par l'intelligence pure est, aux yeux d'Augustin, une preuve positive de sa spiritualité et il devance encore sur ce point l'auteur des Méditations. Si l'homme, dit-il, écarte les images qui lui viennent par les organes des sens et qu'il s'examine attentivement lui-même, il verra qu'il y a en lui des choses qu'il connaît de la manière la plus claire et la plus incontestable. Il sait, par exemple, qu'il vit, qu'il comprend, qu'il se souvient, qu'il veut. Ce sont là des faits dont il est bien obligé de convenir et qu'il ne saurait révoquer en doute, car, s'il doute, il vit, s'il doute, il se souvient des raisons qu'il a de douter, s'il doute, il comprend qu'il doute, s'il doute, il veut être certain. Celui-là même qui doute de tout le reste, ne doit pas douter de ses faits intérieurs, parce que sans eux il ne pourrait douter de rien. Ainsi je vis, je me souviens, je comprends, je veux. Mais quel est le principe de toutes ces opérations? Quelle est la substance à laquelle elles se rapportent? C'est ici que les dissentiments et les incertitudes commencent. Suivant les uns, cette substance serait de l'air, suivant d'autres, du feu, d'après ceux-ci, elle serait le cœur. D'après cela, le cerveau. Cependant l'âme se connaît, et on ne peut connaître une chose quand on en ignore la substance. Si donc l'air, le feu ou quelque autre corps était la substance de l'âme, l'âme le saurait, elle se connaîtrait aérienne, ignée, étendue, en un mot, comme elle se connaît pensante, et attribuerait sans hésiter à un sujet corporel sa vie et son entendement, sa mémoire et sa volonté. De plus, si elle était quelqu'un des corps que nous avons énumérés, elle ne se connaîtrait point de la même manière que les autres réalités sensibles. Elle n'aurait pas besoin de recourir à ces simulacres de l'imagination au moyen desquels elle se représente, quand ils sont absents, les corps précédemment perçus. La substance de l'âme étant ce qui lui est le plus présent et le plus intime, elle penserait à elle-même d'une manière intuitive et immédiate, comme elle pense à sa vie et à sa mémoire, à son entendement et à sa volonté. Car elle saisit ses opérations en elle, et ne les imagine point hors d'elle comme les objets qui tombent sous les sens. Si l'âme ne se prend pour aucun de ces objets, cela seul qui reste, une fois ces objets éliminés, est l'âme elle-même. De la Trinité, livre 10e chapitre 10. Ce qui revient à dire, comme dira un jour Descartes, deuxième méditation, je suis une chose qui pense, c'est-à-dire une chose qui doute, qui entend, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Après cette démonstration fondée sur la simple notion de l'âme et des phénomènes qui se succèdent, en quelque sorte, à sa surface, en voici une autre qui repose plus particulièrement sur la notion de l'un de ses principaux attributs, c'est, malgré des différences de forme assez caractéristiques, l'argument célèbre chez les modernes sous le nom de preuve de la spiritualité de l'âme tirée de son unité. L'âme n'est point un corps, car un corps a de la longueur, de la largeur, de la profondeur, il a des parties les unes plus grandes, les autres plus petites, qui tiennent plus ou moins de place suivant leur grandeur respective, et dont chacune est moindre que le tout et tient une place moindre. Or il n'en est point ainsi de l'âme. On ne peut la morceler ni réellement ni même mentalement. On ne conçoit pas qu'il y ait dans le doigt une partie de l'âme plus petite que dans le bras, parce que le doigt est plus petit que le bras. L'âme est partout de la même grandeur, car elle est partout tout entière. Elle est présente à la fois à tout le corps et à chacun de ses membres, non pas d'une présence locale, mais d'une présence de vie et d'action. Sans cela, elle ne sentirait pas tout entière les modifications qui ne se produisent pas dans le corps tout entier, et néanmoins il est positif qu'elle les sent. Quand le pied souffre, l'œil le remarque, la langue le dit, la main s'y porte. Comment cela pourrait-il se faire, si la partie de l'âme qui est dans chacun de ses organes ne sentait pas aussi dans le pied? Et comment pourrait-elle y sentir si elle n'y était pas? Si l'on pique, aussi légèrement que l'on voudra, de la chair vive, bien que cette piqûre ne soit sentie que sur un point du corps, l'âme tout entière la sent. Pourquoi un phénomène qui ne se produit point dans le corps tout entier modifie-t-il l'âme tout entière, sinon parce qu'elle est tout entière présente sur ce point? Cependant elle reste aussi présente aux autres parties du corps, elle continue à les animer, et cela est tellement vrai que, si un phénomène analogue au premier se produit en même temps sur un autre point du corps, elle sent tout entière et simultanément les deux phénomènes. Preuve évidente qu'elle est tout entière dans toutes les parties du corps tout entier, et tout entière dans chacune d'elles. Mais cela ne pourrait avoir lieu si elle y était étendue, comme nous voyons que les corps sont étendus dans l'espace, leurs plus petites parties occupant des espaces plus petits, et les plus grandes des espaces plus grands. Donc, l'âme ne ressemble en rien à la terre, à l'eau, à l'air, au feu, aux différents corps qui frappent nos regards. Aussi n'est-elle perçue par aucun de nos sens, il n'est donné qu'à la seule intelligence de s'en faire une idée et de la connaître. Lettre 161 chapitre 2, contre les manichéens, chapitre 16, de l'immortalité de l'âme, chapitre 16. Cette preuve n'a pas été inventée par saint Augustin. Il en a pu trouver le germe dans plusieurs philosophes antérieurs, et, en particulier, comme on en a fait la remarque, Monsieur Bouillet, dans l'illustre chef de l'école d'Alexandrie, si l'âme, comme le corps, dit Plotin, avait plusieurs parties différentes les unes des autres, on ne verrait pas, quand une des parties sent, Une autre partie éprouvait la même sensation, mais chaque partie de l'âme, celle qui est dans le doigt, par exemple, éprouverait les affections qui lui sont propres, en restant étrangère à tout le reste et demeurant en elle-même. Conférénéade, quatrième. Il est seulement à regretter que saint Augustin, qui développe avec une si grande supériorité cette pensée à peine indiquée dans le philosophe alexandrin, ne lui ait pas emprunté aussi les pensées suivantes dans la belle démonstration de Bell. Dans son dictionnaire historique et critique à l'article Le Cip. Et sa curieuse hypothèse d'un globe intelligent ne semble être que la reproduction, sans doute, dit Plotin, une impression sensible nous vient par les yeux, une autre par les oreilles, mais il faut qu'elles aboutissent tous deux à un principe. Comment, en effet, prononcer sur la différence des impressions sensibles, si elles ne convergent toutes ensemble vers le même principe? Si celui-ci était étendu, il pourrait se diviser comme l'objet sensible, chacune de ses parties percevrait ainsi une des parties de l'objet sensible, et rien en nous ne saisirait l'objet dans sa totalité. Il faut donc que le sujet qui perçoit soit tout entier un. Énéade, quatrième. Augustin n'établit pas seulement la spiritualité de l'âme en se fondant sur l'idée de l'âme elle-même, et sur l'idée de son unité, il n'est pas un des phénomènes dont elle est la cause ou le théâtre, mouvement, sensation, imagination, conception, qui n'implique, à ses yeux, un principe incorporel. Nul corps, dit-il, ne saurait se donner à lui-même, ni donner aux autres le mouvement et le sentiment, quand ces deux phénomènes apparaissent quelque part, on peut dire sans crainte, l'âme est là. Ils sont des signes non équivoques de sa présence, or tout homme se meut et se sent, donc il y a une âme dans tout homme. Les pieds marchent, les mains travaillent, les yeux regardent, les oreilles écoutent, la bouche s'ouvre, la langue se remue pour articuler des sons. Pourquoi? Parce que tous ces organes obéissent au commandement de l'âme. Elle est là pour recevoir leur déposition et leur transmettre ses volontés, mais qu'elles viennent à disparaître, les yeux ne sont plus que des fenêtres inutiles et qui ne servent à personne, les oreilles, des tuyaux ou bourdonnes inécoutées de vingt sons, la langue, un instrument dont le musicien ne joue plus, le corps enfin, une demeure qui tombe, parce que l'hôte qui l'habitait s'est retiré. C'est ce qu'exprime le nom même qu'on lui donne, cadavre vient du mot latin cadere. Sermon 241, chapitre 2. Autre chose est donc l'âme elle-même, autre chose sont les organes au moyen desquels elle entre en rapport avec les choses corporelles. Cela ressort non seulement de l'inertie irrémédiable à laquelle ces organes sont réduits quand elle les abandonne pour toujours, mais encore de l'impuissance où ils sont d'exercer ou de régler leurs fonctions. Quand elle se retire de quelques minutes pour se plonger dans une méditation profonde. Dans ces moments-là, l'œil, bien qu'il soit ouvert et dans son état normal, ne voit pas les objets qui sont placés devant lui. Que dis-je, le corps s'arrête tout à coup au milieu d'une promenade commencée, les pieds restent immobiles et comme attachés au sol. Pourquoi cela ? Sinon parce que l'âme, absorbée en elle-même, a négligé de donner au corps ses ordres accoutumés. Si la concentration de l'esprit devient un peu moins intense, on ne restera plus, pour ainsi dire, cloué sur place, mais on oubliera peut-être encore où l'on va, d'où l'on vient, on passera, sans s'en apercevoir, devant une maison où l'on avait dessein d'entrer. À quoi attribuer les désordres qui se produisent alors dans nos actes de locomotion? Évidemment à ce que l'âme, repliée en elle-même, ne fait point attention à la partie centrale du cerveau qui lui annonce les divers mouvements corporels. Identifier l'âme avec les organes, ce pouvoir qu'elle a de s'abstraire du commerce des corps pour contempler les choses invisibles devient tout à fait inexplicable. De la Genèse au sens littéral, livre 7 chapitre 8, 20. Pour être inspiré par l'auteur du Phédon et par celui des Énéades, ces réflexions n'en sont pas moins dignes de remarque. Elles font voir, suivant-nous, avec évidence, que l'homme se comportant quelquefois tout autrement qu'un corps soumis à l'influence des autres corps, il faut qu'il y ait en lui un principe véritablement incorporel. Un esprit peu facile à convaincre, Fontenelle, avait été frappé de la force de cet argument. Tous les mots, dit-il, font sur l'oreille et le cerveau des impressions semblables. Comment donc se fait-il que certaines paroles nous laissent indifférents, tandis que d'autres excitent notre joie ou notre indignation, nous attendrissent ou nous irritent? C'est que, indépendamment de l'action physique sur le cerveau, les mots produisent une impression sur un principe indépendant du corps, une âme immatérielle. Augustin raisonne sur la sensation à peu près comme sur le mouvement. Sentir, dit-il, est une modification non du corps, mais de l'âme, et qui a sa source tantôt dans l'âme elle-même, tantôt dans le corps. L'âme souffre quelquefois toute seule sous l'influence d'une cause invisible pendant que le corps est en bon état et n'éprouve aucune perturbation. C'est ce qui arrive dans la tristesse. Mais le corps ne saurait souffrir sans l'âme, ou plutôt il ne souffre jamais à proprement parler, c'est l'âme qui souffre en lui et qui localise sa propre douleur dans la partie du corps qui a été lésée. La sensation ne pouvant se produire sans l'âme, la seule existence de la sensation est un indice assuré de l'existence de l'âme. Cité de Dieu, livre 14 chapitre 15, livre 21 chapitre 3 de la Genèse au sens littéral, livre 3 chapitre 5. Pour bien comprendre cette preuve et l'apprécier à sa juste valeur, il faut songer que le fait organique le plus élevé et le fait de la sensation sont séparés par un abîme, et qu'on ne peut les attribuer à la même substance. Qu'y a-t-il de commun? Demande Bossuet, connaissance de Dieu et de soi-même, entre le mouvement d'un nerf, qui ressemble si fort à celui d'une corde, et le plaisir? Quel rapport y a-t-il entre la séparation des chairs, si semblable dans un vivant et dans un mort, et la douleur? Que, voit-on dans l'agitation du sang, si analogue à celle d'une liqueur quelconque, qu'on puisse assimiler à la colère? Bossuet a raison, ce sont là des phénomènes qui diffèrent du tout au tout. Les uns sont sensibles, les autres sont suprasensibles, les uns nous sont connus indirectement et par l'intermédiaire des sens extérieurs, les autres nous sont révélés directement et par le moyen du sens intime. En voilà assez pour qu'on doive rapporter les premiers à un être corporel et les seconds à un être spirituel. Admettez avec Condillac que tous les phénomènes moraux se ramènent à la sensation, vous serez encore obligé de reconnaître l'existence d'un être spirituel, puisque la sensation est un phénomène spirituel. Le spiritualisme est la conséquence forcée, non seulement du rationalisme, mais du sensualisme lui-même. C'est ce qu'un médecin philosophe de notre temps a établi avec l'autorité que lui confère de remarquables travaux, Entre l'effet de cette dernière espèce, l'effet organique, dit Monsieur l'élu, in phrénologie, et la sensation, il y a un hiatus tout aussi infranchissable que l'est celui qui les sépare des manifestations intellectuelles supérieures. Il résulte évidemment de là que la philosophie de la sensation, tout incomplète et erronée qu'elle est, ne peut pas plus que celle du fait de conscience être donnée pour point de départ au matérialisme. Augustin se sert des images mêmes qui obscurcissent l'âme et lui dérobe sa propre spiritualité pour la mettre plus complètement en lumière, et fait tourner au triomphe de la vérité ce qui semblait devoir assurer sa défaite. Qu'est-ce, dit-il, en définitive, que ces images qui ont été reçues et conservées dans ma mémoire et qui me représentent, lors même que j'ai les yeux fermés, que dis-je, lors même que je dors d'un sommeil plus ou moins profond, le ciel, la terre, la mer, les espaces sans bornes au milieu desquels je suis perdu comme un atome. Si ces images reproduisaient leurs objets en petit, et si elles étaient proportionnées à la l'exiguïté de mon corps, je pourrais dire qu'elles sont corporelles et que c'est mon corps qui les contient. Mais non, elles sont égales, pour l'étendue, aux objets qu'elles représentent, et cependant, malgré leur innombrable multitude et leur grandeur démesurée, je les roule au-dedans de moi, moi qui n'occupe qu'un point dans cet immense univers. Si elles sont étendues, ce n'est donc pas d'une étendue matérielle, et, si elles sont présentes en moi, ce n'est pas d'une présence locale, de manière à tenir une place plus ou moins grande, moi, de mon côté, je ne suis point un simple réceptacle où elles viennent s'accumuler, et qui se resserrent ou se dilatent suivant leur nombre et leur volume. Ces images, que l'on nomme corporelles à cause de leurs objets, sont donc incorporelles, si on considère leur nature. Par conséquent, le sujet qui les contient et dont elles sont des modifications doit être incorporel également. Bien plus, ce sujet est une puissance active, une force vivante, qui, au lieu de recevoir passivement ces images, les tire d'elle-même, les agrandit ou les diminue, les étend ou les restreint, les multiplie ou les réduit à un petit nombre, leur fait, en un mot, subir toutes les transformations et toutes les combinaisons possibles. Qu'on fait réfutation de l'épître manichéenne appelée fondamentale, chapitre 17, de l'âme et de son origine, Livre 4 chapitre 17. Le raisonnement de saint Augustin consiste, comme on voit, à établir que, le mode de production et d'existence de ces images au sein de notre âme étant contraire à toutes les lois de la physique, notre âme et ces images elles-mêmes n'ont rien de commun avec les corps et sont d'une nature spirituelle. On a remarqué que Plotin avait dit avant saint Augustin, en parlant du sujet pensant, on ne saurait le faire en quelque sorte coïncider avec l'objet sensible, comme des figures égales posées l'une sur l'autre. Énéade, 4e. C'est là sans doute le germe du raisonnement si richement développé par saint Augustin, mais, il faut en convenir, ce n'est qu'un germe. Bossuet a dit plus tard, « Je connais au vrai la hauteur et la longueur d'un portique, lorsque je l'imagine telle qu'elle est. Quand on aurait supposé que nous connaîtrions l'étendue qui est dans les corps par l'étendue qui serait dans l'âme, il resterait toujours à expliquer comment cette petite étendue qu'on aurait mise dans l'âme pourrait lui faire comprendre et imaginer l'étendue mille fois plus grande d'un portique. » Confère Bossuet, traité du libre arbitre. C'est la pensée d'Augustin sous une forme plus précise et moins brillante. Si ces images qui représentent à notre esprit les corps et les espaces qu'ils occupent, n'ont pas en nous une existence locale, à combien plus forte raison en est-il de même des autres modifications internes qui n'ont rien de commun avec les corps? La charité, la bonté, la douceur, la joie, la continence sont en nous, sans que nous soyons capables d'assigner un siège spécial à chacune d'elles, elles se réunissent en un seul point, sans que nous puissions dire qu'elles y sont à l'étroit et qu'elles se gênent mutuellement. Vous avez de la charité et vous ne sauriez m'indiquer du doigt où elle est, et vos yeux ne l'ont jamais vue, votre esprit seul est en état de la saisir. Vous dites que cette charité est grande, et jamais vos regards n'en ont mesuré la circonférence, ni calculé la masse. Vous ajoutez qu'elle est entrée dans votre cœur, qu'elle vous parle intérieurement, et il vous est impossible de me rien dire sur sa démarche, et vous êtes obligé de convenir que son langage ne ressemble point à celui qui se compose de sons et de paroles qui remuent l'air. Lettre 147 chapitre 16, 17 Contre les manichéens chapitre 18 Il est permis de croire qu'ici encore Augustin s'est inspiré de la lecture des Énéades, la beauté, la justice, avait dit Plotin, non pas non plus d'étendue, je pense, il doit en être de même de leur conception. Ces choses ne peuvent être saisies et gardées que par la partie indivisible de l'âme. Si celle-ci était corporelle, où existeraient les vertus, la prudence, la justice, le courage. Énéade 4e. Que dire, ajoute Augustin, de la lumière même qui nous permet de distinguer toutes ces choses, qui nous empêche de confondre les objets de l'opinion avec ceux de la science, les objets de l'imagination avec ceux de la mémoire, les objets des sens avec ceux de la raison. Cette lumière n'a pas une existence locale et n'est pas répandue dans l'espace, comme celle du soleil et des autres corps lumineux. Cependant la réalité en est aussi incontestable que celle des objets qu'elle éclaire et que nous ne connaissons que par elle. Cette lumière suppose, à son tour, un œil intérieur auquel elle est appropriée, une faculté spéciale pour laquelle elle est faite et dont la fonction est de prononcer souverainement et sans appel sur le vrai et sur le faux. Or cette faculté, supérieure non seulement aux objets physiques, mais encore aux autres pouvoirs qui président à notre vie intellectuelle, nous ne saurions nous la représenter par aucune image sensible. Vous parlez sans cesse de sa grandeur. Eh bien, essayez de la localiser dans l'espace, de l'étendre et de l'enfler à votre fantaisie, vous reconnaîtrez bientôt l'inutilité de vos efforts. Ce qui fait sa grandeur, ce n'est pas une étendue matérielle incompatible avec sa nature, mais la dignité de la fonction qu'elle remplit dans notre économie morale. Lettre 120 chapitre 2 La conclusion à tirer de ces dernières considérations c'est, dans la pensée de saint Augustin, que l'intelligence qui saisit la vérité et la vérité qui est saisie par l'intelligence étant également incorporelle, il y aurait de l'absurdité à ne pas regarder aussi comme incorporel l'être qui possède l'intelligence et en qui la vérité réside. Après avoir établi, on a vu avec quelle vigueur, la spiritualité de l'âme humaine, Augustin se pose à ce sujet plusieurs objections. Si l'âme, dit-il, est distincte du corps, ne serait-ce pas qu'elle est tout simplement un cinquième élément distinct des quatre éléments vulgairement reconnus? À cette objection il répond, oui et non. Oui. Si l'on entend par là une substance sui generis, qui n'a ni longueur, ni largeur, ni profondeur, non, Si l'on entend par là un objet qui est des parties distinctes les unes des autres et telles que chacune d'elles soit plus petite que le tout. Ne serait-elle point, ajoute Augustin, à défaut du corps, l'harmonie du corps lui-même et l'organisation des parties qui le composent? En aucune manière. Car l'âme est d'autant plus éclairée et plus parfaite qu'elle se soustrait plus complètement à l'influence du corps, pour se retirer et se replier en elle-même. Or, si l'âme était l'harmonie du corps, c'est-à-dire, en définitive, un de ses attributs, comment se perfectionnerait-elle en se séparant plus ou moins de son sujet, et se perfectionnerait-elle d'autant plus qu'elle s'en séparerait davantage? C'est pourtant ce qui arrive. Quand l'âme veut connaître Dieu, se connaître elle-même, ainsi que les énergies qui lui sont propres, quand elle veut enfin saisir le vrai d'une prise ferme et inébranlable, que fait-elle? Se tourne-t-elle vers la lumière qui éclaire ses yeux? Non. Elle s'en détourne au contraire. Cette lumière serait pour elle, non un secours, mais un obstacle, car elle l'empêcherait de se replier sur elle-même et de s'éclairer de la lumière intérieure qui y brille. Comment l'âme pourrait-elle être corporelle, quand les corps en général, et quand le corps le plus pur de tous, qui est la lumière, entrave, au lieu de les faciliter, ces diverses opérations? De la Genèse au sens littéral, livre 7 chapitre 14. Une chose, ajoute Augustin, qui n'aurait pas sa nature propre, qui ne serait pas une substance, mais un attribut inséparablement uni au corps, de la même manière que la couleur et la forme, ne s'efforcerait point de se détourner du corps pour saisir les choses intelligibles, ne les percevrait pas d'autant mieux qu'elle pourrait mieux s'abstraire des choses sensibles et ne deviendrait pas par cette vue même meilleure et plus parfaite. Car ni la forme, ni la couleur, ni l'harmonie même du corps, qui n'est que le mélange des quatre éléments dont ce corps est composé, ne peuvent se détourner de lui à qui elles sont inséparablement unies comme à leur sujet. Mais l'âme contemplant des choses qui sont conçues comme étant toujours de la même manière, cela fait assez voir qu'elle est unie à elle d'une façon merveilleuse, toujours la même et incorporelle, c'est-à-dire qui n'a rien de commun avec l'étendue de l'immortalité de l'âme, chapitre 10. On reconnaît ici, comme ailleurs, l'inspiration de l'auteur du Phédon et de celui des Énéades. La vigoureuse argumentation de ces deux maîtres n'a rien perdu, et ce n'est pas un petit éloge, sous la plume de leurs disciples. L'âme n'est donc pas un corps, elle est un esprit. Mais comment concevoir l'existence d'une substance spirituelle? Qu'est-ce qu'une chose qui n'a ni longueur, ni largeur, ni profondeur, aucune des dimensions de l'espace? N'est-ce pas un pur néant? En aucune sorte. La justice a-t-elle les mêmes propriétés que les corps? Peut-on la qualifier de longue, de large, de profonde? Cependant, qui oserait dire que la justice n'est rien? La simplicité est si loin d'être identique au non-être, qu'elle est, au contraire, la marque de la perfection de l'être. Dieu est une substance incorporelle, s'ensuit-il qu'il soit une substance chimérique? Spiritualiser l'âme, ce n'est donc pas l'anéantir, puisque Dieu, qui est spirituel, possède l'être dans toute sa plénitude. Qu'y a-t-il de plus parfait parmi les objets de la géométrie? Ce n'est ni le triangle, ni même le carré, ni même le cercle, ni même la ligne, c'est le point. Pourquoi? À cause de sa simplicité et de son unité. Or, Si le point qui est absolument inétendu, qui ne possède aucune des dimensions de l'espace, l'emporte sur la ligne et sur les différentes figures qui possèdent une ou plusieurs de ces dimensions, pourquoi l'âme, malgré sa simplicité, n'aurait-elle pas plus de réalité que le corps et ne serait-elle pas le principe de sa vie et de ses mouvements? De la grandeur de l'âme, chapitre 3, 4 et ailleurs. De l'âme et de son origine, livre 4 chapitre 12. L'excellence et la perfection ne se mesurent pas sur la grandeur matérielle. L'éléphant est plus grand que l'homme. Cependant, il faudrait être de la famille de ce quadrupède pour soutenir qu'il est plus sage. L'âne est moins intelligent que l'abeille. C'est du moins l'opinion d'Augustin. On oserait toutefois prétendre qu'il est moins grand, sans se faire soi-même taxer d'ânerie. L'œil de l'aigle est plus petit que celui de l'homme, combien néanmoins n'est-il pas plus perçant, quand cet oiseau superbe plane dans les airs à des hauteurs où, malgré la lumière éclatante qui l'inonde, notre œil a peine à l'apercevoir, ni le lièvre tapis sous les broussailles, ni le poisson recouvert par les flots n'échappe à ses regards. Si donc la grandeur ne contribue en rien ni à la perfection des corps, ni à l'excellence des organes qui perçoivent les choses matérielles, comment serait-elle nécessaire à la perfection de l'âme et à l'excellence de la raison, dont la propre fonction est de saisir les choses invisibles? De la grandeur de l'âme, chapitre 14. Si l'âme n'a rien de commun avec la grandeur, comment se fait-il qu'elle grandisse ou semble grandir avec l'âge tout comme le corps? L'enfant qui commence à bégayer a une intelligence moindre que certains animaux, mais, à mesure que le temps coule, que ses organes se développent, son intelligence se développe aussi d'une manière surprenante. Pour résoudre cette objection, il suffit de remarquer que ceux qui la font se pètent de mots, et prennent des métaphores plus ou moins justes pour des raisons solides. Ils confondent la qualité avec la quantité, la perfection avec la grandeur proprement dite, qui en est tout à fait distincte. Un cercle peut être plus petit qu'une autre figure de géométrie, il ne laissera pas d'être plus parfait. Pourquoi ? Parce qu'il a plus de symétrie, et que tous les points de sa circonférence sont à une égale distance du centre. La perfection est donc une chose, et la grandeur, une autre. Or, quand on dit que l'âme croît, qu'elle se développe, on veut dire, non qu'elle acquiert à un plus haut degré les diverses dimensions de l'étendue, mais qu'elle gagne en perfection. C'est ainsi qu'un homme qui emploie les mots de longanimité et de grandeur d'âme, ne songe pas à l'extension locale de l'âme, mais à certaines dispositions morales que ses yeux ne voient pas, et que son esprit néanmoins saisit à merveille. On insistera peut-être, dit saint Augustin, et on allégera les variations qui se remarquent dans les forces de l'homme. Les forces de l'homme sont comme ses sens, elles ont besoin du corps pour s'exercer, mais elles sont des facultés de l'âme et non du corps, car un objet inanimé est totalement dépourvu de force. Or nos forces vont en augmentant de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la jeunesse, et elles déclinent ensuite, quand la vieillesse commence. Est-il possible que les forces, qui sont des facultés de l'âme, croissent et décroissent, et que l'âme ne croisse et ne décroisse pas également? Cette difficulté s'évanouira d'elle-même, si l'on développe les sens complexes du mot « force », et si l'on en démêle les diverses exceptions. Les forces d'un homme dépendent de trois choses. Premièrement, de la masse de son corps, Car en vertu des lois générales de la matière, un corps plus petit cède à un plus grand. Deuxièmement, du jeu des nerfs qui sont, en quelque sorte, les machines avec lesquelles on fait mouvoir la masse du corps. Troisièmement, de l'énergie de l'âme elle-même qui est le principe du mouvement. Si donc un homme est plus fort à un âge qu'à un autre, on en saurait conclure démonstrativement que son âme est devenue plus grande, car cette augmentation de force peut provenir, soit de l'augmentation de la masse corporelle, soit de la souplesse acquise par les organes qui servent à la remuer. De la grandeur de l'âme, chapitre 16 à 22. Telles sont les principales raisons que saint Augustin oppose aux objections élevées contre la spiritualité de l'âme. Nous ne voulons pas reprendre et examiner en détail chacun des points de cette vive discussion où le brillant rhéteur de Tagaste s'enivre de ses propres raisonnements, et déploie une subtilité qui aurait fait envie à un grec du siècle de Périclès ou à un philosophe du Moyen Âge. Quelques observations seulement. Les considérations qu'Augustin emprunte à la géométrie pour établir la spiritualité de l'âme, suivant en cela les traditions de l'école platonicienne, sont loin de lever toutes les difficultés que cette question présente. De plus, l'assimilation qu'il fait entre l'âme et le point n'est pas sans péril, et semble militer en faveur de la doctrine qu'il combat. Un matérialiste pourrait le prendre au mot et lui dire « J'admets notre rapprochement entre l'âme et le point, mais le point n'est rien de réel, c'est une pure conception de l'esprit. » Donc il en est de même de l'âme. Augustin aurait dû distinguer, comme le fit plus tard Leibniz, le point métaphysique du point physique et du point mathématique. Les points physiques, dit le philosophe de Hanovre, ne sont indivisibles qu'en apparence, les points mathématiques sont exacts, mais ne sont que des modalités, il n'y a que les points métaphysiques ou de substance, qui soient exacts et réels. Confère monadologie Leibniz. D'où il conclut que c'est la métaphysique, et non pas la physique ni les mathématiques, qui est la véritable science de la réalité et de la vie. En outre, partir, comme Augustin, du principe que l'excellence d'un être ne se mesure point sur sa grandeur, pour en conclure que l'âme peut être sans étendue et pourtant d'une nature excellente, c'est raisonner d'une manière peu exacte. La seule conséquence légitime qu'il soit permis d'en tirer, c'est que l'âme peut être à la fois d'une perfection et d'une petitesse extrême, de ce que l'exiguïté de la matière n'est pas un obstacle à la perception, comme Augustin le fait voir par l'exemple de l'œil de l'aigle, il ne s'ensuit pas que l'absence de toute matière n'en soit pas un, car la perception peut dépendre de l'organisation de la matière, que la matière disparaît complètement, il n'y a plus d'organisation possible. Ajoutons qu'en exposant l'objection tirée de ce qu'on appellerait aujourd'hui les rapports du physique et du moral, Augustin lui ôte beaucoup de sa force, et qu'il se perd en y répondant dans une foule de subtilités. Il institue une discussion presque sans valeur pour la science, là où il aurait pu faire un travail d'un intérêt éternel. Car, s'il est un sujet intéressant et en lui-même et dans ses relations avec la spiritualité de l'âme, c'est sans contredit le parallélisme, pour ainsi dire invariable, des phénomènes physiologiques et des phénomènes moraux, qui fait qu'on est si vivement tenté de les dériver les uns et les autres d'un seul et même principe. L'habile professeur de Milan et de Rome avait-il donc oublié les beaux vers de Lucrèce qui sont dans toutes les mémoires, et qui ont souvent fait chanceler, Les esprits sincères en conviendront, les convictions les plus fermes et les mieux établies. Qu'est-ce que cette âme, disait le grand poète romain, dont les états divers correspondent si exactement à ceux du corps? Faible et incertaine comme lui, durant la période de l'enfance, forte et vigoureuse comme lui, à l'époque de sa robuste maturité, elle s'affaiblit et décline comme lui, au dernier âge de la vie, car, à mesure que la machine cède aux assauts répétés du temps, le jugement chancelle et l'esprit s'égare. Qu'est-ce que cette âme qui est malade de toutes les maladies du corps, qui a le délire quand celui-ci a la fièvre, qui tombe et s'affaisse avec lui dans une léthargie commune? Qu'est-ce que cette âme que les fumées du vin vont troubler jusque dans sa mystérieuse demeure, et dont la sagesse et la raison s'obscurcissent sous l'action d'un simple liquide? Confère Lucrèce, de la nature. Augustin est d'autant moins excusable de n'avoir pas discuté ces objections que de son point de vue, elles sont beaucoup plus faciles à résoudre que du point de vue cartésien. Quand on demande à Descartes, qui creuse un abîme entre la matière et l'esprit, comment les états qui se produisent dans l'une de ces substances ont leur contre-coup dans l'autre, que peut-il répondre? Rien de plausible et de vraiment scientifique. Il lui faut, pour se tirer d'embarras, recourir à un coup de théâtre et faire descendre Dieu du ciel. Mais Augustin ne professe pas un spiritualisme aussi exagéré et aussi abstrait, il croit que l'âme est profondément engagée dans le corps, et quel est le principe, non seulement de la pensée, mais encore de la vie. Il aurait donc pu répondre aux objections de Lucrèce, que les fonctions physiologiques de l'âme une fois troublées, ce trouble se communique naturellement aux fonctions psychologiques, parce que ces deux espèces de fonctions, étant exercées par le même sujet, se pénètrent réciproquement, et exercent les unes sur les autres une action et une réaction constantes. Ces réserves faites, nous ne pouvons qu'admirer tant de pages d'une beauté sévère, où se déploie avec une rare puissance d'abstraction et une force logique peu commune le génie spiritualiste d'Augustin. Il faut remonter jusqu'à Plotin et descendre jusqu'à Descartes pour trouver ce redoutable problème de la spiritualité de l'âme soulevé par un esprit aussi net et aussi vigoureux, et envisagé sous toutes ses faces avec une attention aussi opiniâtre et aussi pénétrante. Markham d'Anarchivorg 2021, d'après Books Google FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.